Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Il faut une solidarité pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il n'y ait des ailes dans le parti Uprona, demande du premier secrétaire provincial de ce parti, Ngozi, ce mardi. Il a toutefois conseillé aux militants le rassemblement dans des coopératives d'autodéveloppement. Vous aurez le point. Rejoindre leur famille, c'est la requête émise par les enseignants de la province Wuruli qui avaient été redéployés vers d'autres provinces en 2017. Le président du Sénat burundais leur a cependant promis de transmettre cette question au ministère de l'Éducation. Vous l'entendrez. Et dans la chronique santé de ce dimanche, on vous parlera des multiples bienfaits du chienda pour l'organisme humain. Voilà pour les titres. Doreb Ingabile à la présentation. Eric Wimana sur la mise en onde. Dans un instant, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Le premier secrétaire provincial du parti Uprona, Ngozi, demande au Badasigana Ngozi de la solidarité pour qu'il n'y ait plus des ailes dans ce parti. Jean Berkimas Kidimana l'a dit ce samedi lors d'une séance de réunification des Badasigana d'Ingaimhenda, d'Itije et ceux d'Okumugumia. Ce responsable de cette formation politique conseille à ses militants le rassemblement dans des coopératives d'autodéveloppement comme le prêchait le prince Louis Guagasore. Au nom des Upronistes qui avaient quitté ce parti, Ihotori Higwa Jean, salue cette réunification. Selon lui, l'urgence est de faire retourner dans ce parti tous les militants, n'importe où ils sont, même s'ils parlent de tâches difficiles. Apollinaire Muzagara. Le premier secrétaire provincial du parti Uprona dit être conscient qu'il n'y aura plus d'elle dans son parti, vu le climat qui régnait lors de cette séance de réunification. Jean-Birkimans Akizimana demande plutôt au Badasigana Ngozi de s'atteler aux travaux d'autodéveloppement étant dans des associations ou coopératives. L'appel n'est autre que réellement la consolidation du parti Uprona. Toutes les parties doivent se mettre ensemble pour que finalement le parti Uprona puisse faire un pas de développement au niveau des activités politiques et au niveau même du développement, n'importe dans quel domaine. Parce que quand les gens se réunissent et se réunifient, ils peuvent au moins avoir un pas de développement dans n'importe quelle activité. Au nom des Upronistes qui retournent, Jean Ihotori Higwa espère aussi une bonne collaboration de tous les Upronistes, anciens et nouveaux. Selon lui, l'urgence est d'approcher tous les Badasigana pour que son parti ait encore de la force, même si ce n'est pas, selon lui, chose facile. Il indique que la préparation pour les élections de 2025 n'est pas aussi à écarte. Notre premier objectif, c'est d'abord de construire et consolider le parti Uprona, pour que ce soit un parti fort, un parti bien assis, comme il l'était le temps passé. Évidemment, en tant que formation politique, nous devons être aussi un parti compétitif. Or, pour être compétitif, il faut avoir un nombre assez représentatif de membres. C'est cela qui est notre préoccupation maintenant. Badasigana Ngozi demande une forte sensibilisation quant à la nouvelle organisation territoriale du Burundi pour mieux se préparer à ces élections. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à toi, Apollinaire. Parlons éducation à présent. Le rôle de l'administration et des natifs de la commune est primordial dans le développement du secteur de l'éducation. Propos de Jean-Paul Nzohabonayo, directeur communal de l'éducation à Kabaruri, qui indique que cette commune occupe la première place pendant ces temps dans le classement du concours national au niveau provincial. Ce directeur fait savoir que les natifs de la commune interviennent beaucoup dans l'achat des matériels didactiques. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, appelle les natifs d'autres communes à les prendre pour modèle. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Le directeur communal de l'éducation en commune Kabarole fait savoir qu'il y a 5 ans qu'il est à la tête de cette direction, mais que 2 ans avant sa nomination à la commune scolaire Kabarole, s'est classé première dans le classement au concours national au niveau de la province scolaire de Kayanza. Jean-Paul Nzohabona a fait savoir qu'au début de ses fonctions, il a plaidé auprès de l'administration communale pour contribuer davantage dans le secteur de l'éducation et la mobilisation des natifs de la commune afin que ceux-ci interviennent dans le même secteur éducatif. Cela étant, selon le DCE Kabarole, le rendement scolaire s'est amélioré par la suite. Les données chiffrées fournies par la direction communale de l'éducation à Kabarole montrent que cette commune scolaire s'est classée première au niveau de la province Kayanza dans le concours national de l'année scolaire 2018-2019 avec un taux de réussite de 72,5%, l'année scolaire 2020-2021 avec un taux de réussite de 84%, l'année scolaire 2021-2022 première avec un taux de réussite de 92%, l'année scolaire 2022-2023 première avec un taux de réussite de 98,9% au moment où dans le classement provincial de l'année scolaire passée, la commune scolaire Kabarole occupe toujours la première position avec un taux de réussite de 99,18%. L'administration communale Kabarole dit se réjouir des résultats enregistrés par la commune scolaire Kabarole dans les examens nationaux. Sagouyebele Kimasi, administrateur communal, promet intervenir dans le secteur de l'éducation à chaque fois de besoin. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, apprécie positivement l'organisation du domaine de l'éducation à Kabarole et demande à d'autres communes scolaires de la prendre pour modèle. Avec le classement national pour le concours national de l'année passée, la province scolaire de Kayanza occupe la 6e position avec un taux de réussite de 92,7%. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. Merci également à toi Patrick. Toujours en éducation, les enseignants de la province Bururi, redéployés en 2017 vers d'autres provinces, demandent au président du Sénat Burundi de les aider pour qu'ils regagnent leur famille, qu'ils disent aujourd'hui déstabilisés. Ils proposent d'être remplacés dans ces provinces par les nouveaux enseignants recensés, recrutés récemment recrutés. L'honorable Emmanuel Sinzo Aguela, président du Sénat burundais, leur a promis de transmettre la question au ministère de l'Éducation. Il l'a dit ce samedi après les travaux communautaires au commissariat provincial de la police où il procédait au lancement des travaux de construction d'un bloc administratif de ce commissariat. Correspondance de Denon Nzambimana. Ces enseignants redéployés en 2017 vers d'autres provinces comme Karusi, Gitega et Makamba demandent de regagner leurs familles respectives. Ils disent que leurs familles sont déstabilisées surtout au niveau de l'éducation de leurs enfants, comme l'a indiqué Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, qui confirme avoir accueilli leurs doléances. Ces enseignants proposent qu'ils soient remplacés dans ces provinces par les enseignants récemment recrutés. Le président du Sénat Burundi a indiqué que ces enseignants avaient été redéployés vers ces provinces où il y avait un manque criant d'enseignants pour que tous les enfants du pays aient tous accès à l'éducation au même pied d'égalité. Et parmi les provinces qui ont été touchées par ce redéploiement figure la province de Bururi qui comptait un grand nombre d'enseignants, a-t-il ajouté. Mais puisque le gouvernement du Burundi est à l'œuvre pour trouver une solution aux problèmes liés au manque d'enseignants dans les provinces, l'honorable Emmanuel Sinzo Aguera promet que cette question des enseignants redéployés sera transmise au niveau du ministère de l'éducation. Cela a été dit ce samedi au commissariat provincial de la police à Bururi, où le président du Sénat Burundi procédait au lancement des travaux de construction d'un bloc administratif de son commissariat. L'honorable Emmanuel Sinzo Aguera a promis une contribution de 100 sacs de ciment pour la construction de ses bureaux. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 18h09 à Bujumbura et sur Isanganiro. Page justice, la plupart des gens qui engorgent les prisons n'ont pas de titre de détention. Analyse d'un avocat conseil sur la population carcérale au Burundi. Maître Segatoua Fabien plaide pour le respect de la procédure en matière de détention pour désengorger les prisons burundaises. Suivez-le. Quelqu'un qui est sous le mandat d'arrêt du ministère public, il a 15 jours avant d'être présenté devant le juge pour la confirmation de la détention. Ça, on le fait généralement. Le ministère public traduit les gens dans les 15 jours en chambre de conseil pour qu'on confirme sa détention. Mais le hic, c'est que l'ordonnance de détention ne vaut que pour 30 jours. Et après les 30 jours, le ministère public devrait le ramener devant le juge pour qu'il confirme encore pour 30 jours encore. Ça ne se fait pas. Mais je crois que sous d'autres cieux, ça se fait. Moi, j'ai vu en Tanzanie un monsieur qui a comparu 135 fois pour la détention préventive. 135 fois. Mais ici, on comparait une fois pour la détention préventive et c'est fini pour tout le restant de sa prison. Donc, ça veut dire que la plupart de ces gens-là dont on dit qu'ils engorgent la prison, ce sont des gens qui n'ont pas de titre de détention. La troisième question, ce sont les gens qui sont libérés. Libérés par les juges, je dis, mais qui ne sont pas libérés par le magistrat. En fait, on devrait chercher quelque part une autre procédure qui enlève au ministère public le droit de libérer ou d'emprisonner. Il peut emprisonner, c'est bien, mais ce n'est pas lui qui devrait libérer. Il faudrait qu'il y ait entre le magistrat et le juge un juge de liberté qui devrait chaque fois se saisir des cas des gens qui sont en prison illégalement. Parce que celui qui est en prison sans titre de détention, il est en prison illégalement. Mais nous nous sommes accommodés à voir des gens qui sont en prison sans titre de détention. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le chanda est une plante qui renferme de vraies vertus pour la santé. C'est un remède efficace contre les problèmes rénaux, urinaires, hépatiques et respiratoires. Selon Gilbert Nangwaafi, chercheur nutritionniste, cette plante contient de sel, de potassium, de saponine qui protège l'organisme contre plusieurs maladies. Je vous invite à suivre cette chronique santé préparée par Jean-Marie Mayonga. Le chinda est une plante considérée comme une mauvaise herbe, mais dans le corps humain, cette plante est bénéfique sur le système urinaire, comme l'explique Jibé Nangwaafi, chercheur nutritionniste. Le chinda appartient à la famille des poacées avec Anorate aglopilone lepens. Bien que le chinda aglopilone lepens soit considéré comme une mauvaise herbe par les jardiniers, comme le résume l'expression familière, son rhizome est cependant utilisé en phytothérapie et en alimentation pour ses bénéfices sur le système urinaire. Ce chercheur dit que cette plante et ses propriétés font un remède efficace contre les problèmes rénaux et autres maladies. Le chinda contient du potassium ainsi que des polysaccharides de l'urine aux propriétés diurétiques facilitant ainsi l'élimination des toxines. Cette plante adoucit également le système urinaire. La présence des mucilages permet également son utilisation en tant qu'antitussif. Le chinda est un drainer naturel qui contribue aux fonctions d'élimination urinaire et favorise le système de détoxification de l'organisme. Par exemple, il agit sur le métabolisme et l'appétit, ce qui entraîne une réduction du poids corporel. Jibé Nangwaafi, l'horizon mais de chinda est toujours utilisé en phytothérapie. Il traite des infections urinaires et respiratoires. Le chinda peut être consommé en utilisant comme de tisane ou en gélule ou en comprimé selon ce chercheur. On peut l'utiliser en tisane en prenant sa poudre, en faisant l'infusion de 2 à 3 cuillères dans un demi-litre d'eau chaude pendant environ 5 minutes et on filtre et on boit en 2 prises par jour. On peut aussi utiliser le chinda en gélule ou comprimé contenant environ 40 à 100 mg de poudre de rhizome en réseau de 4 prises par jour. En tisane, on fait une infusion de 40 à 50 g de rhizome. De chinda séché quand même en laissant infuser quelques minutes pour faire le filtrage et on boit. Le chinda est originaire d'Europe et d'Asie occidentale. Même au Burundi, cette plante pousse bien. Et voilà, c'est par cette chronique que ce journal prend fin. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Doré Bingabide, j'étais à la présentation. Arik Wimana, assuré la mise en onde. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.